Comment se comporter envers les parents qui ne prient pas? Cheikh Ibn Abbas. J'ai un beau-frère qui prie rarement. Je vis avec la famille de mon mari. Et les femmes de sa famille s'assoient avec lui-même, quand l'imam est en train de prier. Que dois-je faire? Je ne suis pas une de ces mahrams. Est-ce que je commets un péché si je ne peux pas le conseiller? La réponse. S'il ne prie pas, alors il mérite d'être mis à l'écart. Vous ne devez ni le saluer, ni répondre à son salut, jusqu'à ce qu'il se repente. Ceci parce que ne pas prier est une grande forme de kofr qui fait sortir de l'islam. Ceci reste vrai même si la personne ne renie pas que c'est obligatoire. Ceci est l'opinion la plus correcte des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La différence entre nous et eux, les mécréants, c'est la prière. Quiconque l'abandonne a commis un blasphème. » Ceci a été rapporté par Ahmed et d'autres collecteurs de sunna avec une chaîne forte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Entre un homme, la mécréance et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière. » Ceci fut rapporté par Muslim dans son Sahih. Cependant, si une personne renie l'obligation des prières, alors il est mécréant d'après le consensus des savants. Donc, il est obligatoire pour sa famille de le mettre à l'écart s'il ne se repent pas. Il est aussi obligatoire de porter le sujet devant le gouverneur pour qu'il lui demande de se repentir. S'il se repent, cela sera accepté de lui. S'il ne se repent pas, il doit être tué. Ceci parce qu'Allah a dit « Si ensuite ils se repentent, font la prière et donnent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. » Sourate Tawbah, verset 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « On m'a interdit de tuer ceux qui prient. » Khatib Abu Dawud. Abu Dawud. Ces preuves montrent que celui qui ne prie pas ne doit pas avoir la voie libre et qu'il n'y a aucune interdiction de le tuer s'il est porté devant les autorités et qu'il ne se repent pas. Et Allah est celui qui guide.